réfugiés, criminels au volant. Fume la grosse collante, elle me veut, y'a rien d'étonnant. À quoi ça sert de flex sans les gains? On fait pas de vélo, je lui apprends à le faire sans les mains. Baby, tu m'as croisé, j'étais fly en la coche. Papa cuisine quand je te dis que j'ai un œuf dans la poche, baby. Baby veut me voir ce soir, baby. Tu sais que tes movies sont dangereux pour un baby. Tu sais que c'est fini si tu me déçois. J'ai bloqué sur toi, puis la dernière réçoit, baby. Baby veut me voir ce soir, baby. Tu sais que tes movies sont dangereux pour un baby. Tu sais que c'est fini si tu me déçois. J'ai bloqué sur toi, puis la dernière réçoit, baby. Gloss rouge pour attirer le taureau. Purple drink dans mon cup, y'a pas de coraux. Entre mes walls, j'tiens un putain de taureau. Fin, Brésil, j'me sens comme Arturo. Baby, où je crèche, c'est vie ou crève. 3 ans que j'suis en guerre, y'a eu zéro trêve. Viens là, bitch, viens faire du two-step. Frozen, stiff, j'fume la 12 crème. J'vais la chercher dans son bendo. Elle sent la crème vanille comme Faygo. Sa peau, elle est marron comme l'héros. D'habitude, j'me réveille pour l'animo. Mais je crois que son corps m'a matrixé. Elle rit, elle se plie comme une actrice. Et elle veut voir ce soir que j'la salisse. Mais sa mère, j'retourne à mon ralice. Baby veut me voir ce soir, baby. Tu sais que tes movies.